le genou serré. Le tramway, au galop de ses deux chevaux, a gravi la côte qui précède le square. Sur les banquettes, au-dessus de la masse bariolée, des bustes. Draps sombres des hommes, gaz et fanfreluche des dames, rit la ligne claire des visages en peau rose de Bruxelles. Les femmes ont les ailes du nez qui battent à cause du vacarme excitant du fouet et des fers des chevaux mordant la pierre. Lise saute à terre. Elle a mis aujourd'hui sa première robe longue et ses cheveux sont encore en natte sur son dos. Chevilles et poignets, épaules et hanches, comme les joints de ce corps nerveux sont bien huilés, que ses ressorts sont vigoureusement tendus. Elle saisit le bras de sa mère et cependant bondit devant, ainsi que pour faire le tour au pas de géant du gymnase, de sorte que tout en courant à ses côtés, elle lui parle en face. « Mère, dis, tu as vu comme il était bien ?»« Quoi, quoi, qui bien ?»« Le jeune homme qui était dans le tram, assis à ma droite. »« Un jeune homme ? Mais veux-tu te taire, malheureuse ?» Et qu'il me serrait le genou. Il... Que dis-tu ? Il te serrait le genou ? Tu ne peux pas te figurer avec quelle force, mère. Assis à côté de toi, il te serrait le genou. Mais tu inventes ces horreurs, n'est-ce pas ? Oh, l'effronté ! Tu inventes, n'est-ce pas ? Comment aurait-il pu te serrer le genou, naïf que tu es ? Voyons, mère, parlons sérieusement. Me prends-tu pour une gosse ? Voyons, dis-le. Et crois-tu que je le laissais comme ça, bêtement me pousser ? Mais je lui résistais de toutes mes forces. Je poussais de toute ma jambe. Et comme il y allait, petite mère. Qui premier prend, ne se repent.